Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h, s'il faut vous le dire deux fois. Cette semaine, on rediffuse Syrie, Colombie, quand l'État devient assassin. Une série de Nicolas Jox, réalisée par Christine Diger. Au départ de cette série, il y a les récits des survivants de régimes devenus meurtriers et les lieux qui les accueillent. Il y a l'incrédulité, la stupeur, des dizaines de milliers de morts et des systèmes machiavéliques. Mais il y a aussi ceux qui sont parvenus à quitter l'enfer et qui doivent apprendre à vivre avec les fantômes et les effroyables souvenirs. Alors pour commencer, les personnages. Des rescapés qui ont trouvé à qui parler, des thérapeutes assommés par les témoignages, des soignants qui réapprivoisent les corps, des enfants épuisés et des parents en bout de course. Ensuite, le décor. Une salle d'attente où l'on se sent bien, des cabinets où les mots se posent, des portes qui se ferment sur des secrets, d'autres qui s'ouvrent sur des libérations, des larmes, des poèmes et de la fatigue. Aujourd'hui, 4e épisode, on ouvre une porte, pas loin de la gare du Nord. Centre Primo Levi, vivre après la torture. Nous sommes au 2e étage du 107 avenue Parmentier. C'est ici qu'on a commencé, il y a 20 ans. C'est l'étage auquel nous étions consacrés pour fonder ce centre. Un endroit central, facile d'accès, tout près du métro République, pas loin des gares. Toutes les banlieues peuvent se converger et donc les patients peuvent nous trouver très très facilement. Oh, pardon, je suis désolée, je vous entends pas très bien. Donc c'est madame ? Oui. Le centre Primo Levi est créé en 1995 avec le soutien de grosses associations comme Amnesty International, Médecins du Monde ou Juristes Sans Frontières qui considéraient qu'il y avait une carence dans la prise en charge des victimes de torture en fait. C'était après le génocide rwandais et puis ce qui se passait en Bosnie, en ex-Yougoslavie et donc un afflux assez massif sur le territoire français de personnes polytraumatisées par les violences subies. तुम किस लिए चौंके हो कब तुमसे तकाजा है कब तुमसे Comment continuer à vivre après avoir connu la torture, la violence politique extrême, l'indicible cruauté des geôliers? Venus de tous les continents, les patients du centre Primo Levi à Paris sont accueillis depuis 20 ans avec dignité et bienveillance par une équipe de médecins, de psychologues, d'assistants sociaux. Pour tous les rescapés, les traumatismes sont profonds. La torture marque les corps, bouleverse les âmes. Troubles du sommeil, cauchemars, reviviscences incessantes, comment se reconstruire avec l'obsédant souvenir de la souffrance? Si l'on ne guérit pas de la torture, les patients du centre Primo Levi apprennent à vivre avec. Ils peuvent ici libérer leurs paroles, prendre le temps pour nommer les choses. Le centre Primo Levi préserve ses patients de toute intrusion extérieure. Nous ne rencontrerons donc pas de rescapés. C'est à travers la parole des thérapeutes, de ceux qui soignent les corps et les âmes, que nous cheminerons pour saisir la souffrance et l'importance de soins adaptés pour les victimes de la torture. Très vite, c'est d'imposer aussi l'idée que c'était un centre qui ne pouvait pas seulement soigner les victimes de torture, mais aussi témoigner des effets de la torture. Éléonore Morel, directrice du centre Primo Levi. D'où le nom de Primo Levi, en hommage donc à Primo Levi, qui a beaucoup témoigné, après la Seconde Guerre mondiale, des effets de la torture et des violences subies. Et donc on a eu la chance, via la veuve de Primo Levi, de pouvoir porter le nom de Primo Levi. 1944, Primo Levi, diretto ad Auschwitz. A 25 anni e parte per l'inferno. On torture encore dans un pays sur deux. Les méthodes de torture sont un petit peu différentes puisqu'aujourd'hui on essaye de ne pas laisser de traces. Donc elles sont souvent aussi très psychologiques, on parle de torture blanche. Au centre Primo Levi, actuellement, on a des patients de 42 ou 45 pays différents. Ces gens qui ont été victimes de torture ou de violences politiques, c'est souvent des gens comme vous et moi. C'est-à-dire que c'est des gens qui avaient un travail, une famille, une implication dans la communauté, qui avaient des activités politiques ou pas, et qui se sont retrouvés à subir des violences et des persécutions et à devoir quitter leur pays en laissant du jour au lendemain tout ce à quoi ils étaient très attachés. Donc effectivement, aujourd'hui, ça concerne pas seulement les militants. Vous avez des profils comme par exemple les Kurdes de Turquie qui sont des militants et qui ont été sévèrement torturés dans les prisons turques. Mais effectivement, vous avez beaucoup de gens de République démocratique du Congo qui ont été pris par hasard dans un cercle de violence et qui ont été victimes de violences sexuelles, notamment pour les femmes, et qui ont dû fuir et quitter le pays sans pour autant avoir eu des activités politiques au préalable. Oui, voilà, oui, à 9h30. Ah, d'accord, je préviens la psychologue. C'est l'accueil, c'est un endroit important aussi. C'est un endroit central. Le premier accueil se passe ici. Lorsque la porte sonne et qu'un patient arrive, ça peut être un patient avec un rendez-vous, comme ça peut être quelqu'un qui arrive spontanément, qui a envie de s'informer, qui a envie d'un premier rendez-vous. Et c'est ici que la personne va se renseigner sur les possibilités du centre de soins qui va demander ses rendez-vous. Tout se passe ici. Alors, ce sera la semaine prochaine, donc le 13. On reçoit les personnes qui ont été victimes de torture et de violences politiques. Il y en a en fait qui sont demandeurs d'asile, il y en a qui sont déboutés, réfugiés, quel que soit leur statut. Déborah Caetano, chargée d'accueil. C'est pas du tout si la personne, en fait, à un moment de l'entretien, va s'effondrer ou pas, comment soi-même on va réagir. Bon. Il y a des personnes qui arrivent et qui, de toute façon, se mettent à pleurer. Voilà, elle se pose. Je suis soulagée, j'ai eu un rendez-vous, je vais pouvoir parler. Donc c'est vraiment un entretien d'accueil avant de pouvoir orienter auprès d'un psychologue si c'est une demande de psy ou auprès d'un médecin. Alors, on se voit après Armando. Yes, I have received your message. You receive. Thank you, ma'am. C'est un rôle important parce qu'on est la première rencontre, le premier visage pour les personnes. Ce ne sont pas toujours des gens bien accueillis suivant les endroits où ils vont. Et l'idée là, c'est de leur réserver un accueil le plus chaleureux possible. Valérie Daniel, chargée d'accueil. Si les gens ont fait un effort pour les appeler par leur nom, pour qu'ils redeviennent une identité, donc ça c'est important pour eux. Et il y a la difficulté de la personne qui ne se sent pas bien, il y a la difficulté de la langue, parce qu'ils viennent quasiment tous dans une langue étrangère. Alors ça amène beaucoup de sourires et d'échanges assez étonnants parfois, parce que finalement on arrive tous à se comprendre. C'est très difficile parce qu'on voit les gens arriver dans des situations qui sont assez dramatiques, dans un état qui est assez dramatique. Et une des choses qui est assez magique au centre, c'est qu'au fur et à mesure des semaines ou des mois qui passent, on les voit tout d'un coup se redresser, sourire, être en mesure de s'adresser à nous et de le faire avec le regard levé. Dans le premier entretien d'accueil, il y a déjà 60% des personnes accueillies qui parlent de torture spontanément. Ils sont hantés par ce qu'ils ont vécu et ils ressentent le besoin d'en parler, de le dire, hein, de nommer la chose. Cybèle Agrali, directrice du centre de soins. On peut estimer que quasiment 90% des patients, en fait, ont été victimes de torture et ça sortira plus tard aussi dans leur dire. La torture, c'est quoi ? C'est d'être dominé par un autre qui vous veut du mal. L'autre veut m'anéantir, mais il ne veut pas me tuer. L'idée est de laisser en vie, mais en ayant détruit toutes ces possibilités d'une vie dite normale, avec ses attaches, ses appartenances. Et on entend beaucoup parler d'humiliation. Il y a une scénarisation des tortures, une mise en scène qui exploite tous les tabous, tous les interdits, qui vous hante. Et non seulement les patients qu'on voit parlent de choses qu'ils ont vécues directement, qui touchent à leur corps, ou des menaces, etc., qu'ils sont amenés à entendre, mais ils sont souvent amenés à regarder. Regarder ce que les tortionnaires font à d'autres. souvent des personnes qui leur sont proches, qu'ils aiment, et ils ont l'impression d'en être pour quelque chose, hein, d'être coupables, responsables de ce qui arrive à l'autre, et de ne pas pouvoir s'interposer, d'être dans l'impuissance totale. Donc cette mise en scène oblige l'autre à constater, à regarder des scènes qui, elles, vont vous hanter longtemps, longtemps, longtemps. Et c'est pas seulement des images, c'est des bruits, c'est des sensations, c'est des odeurs, c'est les odeurs d'urine, de chair, de transpiration, de bon, voilà, beaucoup, beaucoup de choses qui, à tout instant, peuvent être rappelées dans la vie quotidienne, qui reviennent et qui font insistance. Et vivre avec ça, ben, il va falloir du temps. Donc il y a des patients qui, lors de ce premier entretien, disent « Voilà, voilà ce que j'ai envie d'oublier. Aidez-moi à oublier. » Et c'est là où on a du travail à faire. Ça ne va pas être oublié, mais ça va être un travail qui va permettre à... Il va falloir du temps, mais on va arriver petit à petit à mettre cette expérience, ce vécu-là, dans un coin où vous pourriez aller le visiter, si vous le souhaitez, mais que ce ne soit pas ces événements-là qui s'imposent à vous à tout instant, dans les rêves, dans le quotidien, dans les souvenirs. Il y a beaucoup de types de tortures, c'est-à-dire que c'est assez torture directe où la personne, surtout les adultes, quand on a, je ne sais pas, je pense aux Kurdes qui ont été pendant plusieurs mois, voire des années en prison. Armando Cote, psychologue. Effectivement, là on entend les effets de la torture réelle, physique, qui était cherchée, et là... Là, on voit en même temps la fonction de la parole de pouvoir arriver à cerner, à dire quelque chose de ça. Et comment c'est important pour eux de pouvoir revenir, malgré eux, à ces moments-là, ils s'étaient réduits absolument à tout. C'est-à-dire qu'à chaque moment, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils pensaient que c'était déjà fini. À chaque fois, toutes ces simulations des noyades ou des morts, quand ils s'en sortaient là, même ailleurs, même ici en France, parfois, quand ils sont dans une chambre et tout, ils ont du mal à sortir, à retrouver à nouveau un nouveau ailleurs et tout ça. Donc on voit l'efficacité par rapport à la torture et par rapport au corps et les souvenirs de ça. Mais il y a beaucoup d'autres personnes qui n'ont pas été torturées directement, mais indirectement, soit par un enfant qui a disparu, un mari qui n'est plus revenu et des visites régulières. Je pense beaucoup aux familles tchétchènes ou de la Tchétchénie où effectivement il y a toute une torture psychologique où c'est la pression de la présence des personnes qui viennent constamment. Et c'est surtout ça que les enfants, ils en parlent. Des les messieurs qui venaient, les pères qui disparaissaient semaine en semaine, ils revenaient. Et que souvent, eux, ils n'avaient pas été physiquement touchés, mais qui vivaient dans un climat extrêmement violent. Et ça a évidemment des répercussions aussi. Après, il y a toute la question de l'exil, les moments du départ. Donc, qui sont des moments extrêmement complexes où souvent, il n'y a rien qui est dit. Ce sont des décisions qui sont prises à la hâte, et ils partent comme ça parce qu'ils n'en peuvent plus. Ça a des conséquences extrêmement lourdes aussi pour les familles. Quand en 1999, Grozny a été bombardé jour et nuit, pilonné avec une intensité inhumaine, je suis partie avec ma famille à Sergueniort. À partir d'avril 2000, les mercenaires russes ont commencé à faire des satchiski dans le village pour trouver des résistants. La technique de la satchiski est toujours la même. Vers 6 heures du matin, ils encerclaient le village et entraient dans toutes les maisons. Chaque habitant devait rester sur place, debout, sans bouger d'un cil. Puis ils poussaient tout le monde vers la place centrale du village. Ils fouillaient les vieux, battaient les femmes, emmenaient les hommes et les jeunes. Parfois, ils tuaient les hommes pour faire l'exemple. Un jour, les militaires sont venus chez moi et ont voulu m'enrôler dans leur brigade. Ils étaient au moins 7. Ils ont commencé à me secouer et à essayer de me convaincre par la force. Ma femme était tout près de moi et collée à moi, courageuse comme toutes les Tchétchènes, elle hurlait que je ne sortirais pas et je n'irais nulle part. Avec la crosse de son arme, un des Russes l'a frappée au ventre. J'ai crié de douleur pour notre enfant qu'elle portait depuis 7 mois. J'ai reçu un coup violent sur la nuque, je me suis évanouie. Là, ils m'ont torturée avec des fils électriques dénudés qu'ils me posaient sur le corps. Ils m'ont appris, en riant, qu'ils avaient tué mon épouse. Ils riaient et m'informaient qu'elle était bonne au lit. Ça passe par le fait de se reconnaître comme un être humain qui a toute légitimité à être en vie et qui a toute légitimité à avoir une parole. L'idée n'est pas de faire parler, hein. La parole n'est possible que si ça s'adresse à quelqu'un. Donc ce que fait le médecin, ce que fait le psychologue, ce que fait les assistants sociaux ou la juriste, le kiné, c'est d'entrer en lien. Et ça demande du temps. Le médecin, il ne va peut-être pas examiner un corps tout de suite. Il va d'abord construire un lien avec cette personne, qui il est, d'où vient-il. Pareil pour le psy, qui ne va pas tout de suite amener la personne à aborder les aspects traumatiques. Donc le quotidien est un bon point de départ. Souvent, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait souffrir aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, ça va nous permettre d'aller plus loin dans hier, avant-hier. Mais ça va être positif de pouvoir parler de cet aujourd'hui qui fait souffrir. Et si on pouvait déjà apporter un mieux-être sur l'aujourd'hui, on se dit bah, peut-être bien qu'on pourrait tisser quelque chose vers ce passé et faire en sorte que tout ça bouge, hein, qu'il y ait un mouvement de ce passé vers un avenir qui est à construire. Après, il y a tous ces souffrances psychologiques qui n'ont pas été décelées d'un des urgences ou d'un des centres spécifiques. Parce qu'il y a la question du silence à ces moments-là qui se pose. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'accès à ce type de souffrances psychologiques du fait qu'il n'y a pas des plaintes. Les gens ne se plaignent pas. Donc l'État français, souvent, ils disent, mais on les prend en charge, il n'y a pas des problèmes par rapport à ces publics. Mais évidemment, parce qu'ils ne se plaignent pas, ils ne demandent pas. Et ça, c'est une caractéristique de ce type de clinique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une demande, parce que derrière ces demandes, il y a la honte, il y a le silence. Et de ces faits, la personne ne se sent pas, on va dire, en position de pouvoir fournir une demande, de dire « j'avais soin de l'aide ». Parce qu'elle-même ne sait pas si ce type de souffrance, c'est une souffrance qui va pouvoir être entendue par quelqu'un d'autre. Il s'oublie, en quelque sorte. La violence politique, c'est ce qu'ils cherchent finalement, qu'ils s'oublient, qu'ils ne soient plus eux, qu'ils n'aient aucun point de repère. Et c'est ça qu'ils réussissent. C'est pour ça que notre travail, en quelque sorte, c'est qu'ils puissent à nouveau avoir un point de repère pour commencer à se souvenir de quelque chose. Parce qu'imaginez-vous, vous arrivez dans un pays, vous ne parlez pas la langue, vous ne savez pas lire, vous êtes complètement malade, vous devez faire la demande d'asile, vous devez écrire, vous devez trouver de l'argent pour manger. Ça, plus tous les problèmes médicaux que vous avez, donc... C'est là où la violence politique a réussi en quelque sorte. Et c'est là où il faut les sortir, les soutenir pour qu'ils puissent retrouver à nouveau une mémoire, puissent reconstruire tout ce qui s'est passé. Parce que ça, c'est un autre point. Ce sont des personnes qui n'ont jamais eu le temps de s'asseoir et parler de ce qui s'est passé. Mes papiers d'identité sont érythréens. Je suis née à Assab, mais ma mère est née en Éthiopie, de la tribu des Amara. Dans mon enfance, ma mère disait souvent en riant que j'étais le fruit de l'union de mes parents et le lien de deux pays. Le 14 novembre, à l'aube, des coups violents ébranlèrent la porte de notre maison. Je vis au moins une dizaine de militaires envahir les chambres. Ils ont poussé mon père et ont frappé ma mère. Ils la traitaient d'étrangère, d'éthiopienne, de sale Amara. Ils hurlaient des insultes et disaient qu'ils l'emmenaient pour l'expulser. Mon père a essayé d'expliquer que ma mère avait la nationalité érythréenne. Il reçut un coup de crotte sur le visage qui devint immédiatement rouge sang et tomba à genoux. Ils menèrent ma mère échevelée en la traînant et en la frappant. Je revois toujours une des manches de sa robe arrachée. Personne ne la revit jamais et nous n'avons absolument aucune nouvelle d'elle. Ni morte, ni vivante, ni en Éthiopie, ni en Érythrée. Elle m'a manqué tous les jours. Elle me manque toujours. Après cela, Mon père et moi, nous ne parlions presque pas. Chacun de nous vivait son cauchemar les yeux ouverts. Parfois, nos yeux se rencontraient et nous nous comprenions. Nos yeux touchaient des plaies. Nous travaillions en silence. Nos gestes étaient parfaits, bien huilés. Mais je ne sais pas où étaient nos âmes. Nos mains vivaient, mais notre cœur et notre cerveau étaient engourdis. Il y a des patients qui viennent, pas nécessairement, ils peuvent avoir le prétexte d'une consultation, mais en fait ils passent la matinée ou l'après-midi parce que c'est un espace un peu refuge pour eux. Ce refuge qu'ils n'ont peut-être pas trouvé ailleurs, ben, on a l'impression qu'ils le trouvent ici dans la salle d'attente. Là, donc, ce sont les cabinets de consultation, voilà, c'est ça ? Oui, oui. On ne va pas ouvrir parce que je pense qu'il y a une consultation, une salle médicale. On a deux salles médicales. Une salle de psychothérapie. Donc, comme vous voyez, il y a trois fauteuils. Il y a toujours cette idée qu'il puisse avoir un espace pour accueillir aussi l'interprète. Donc ici, c'est la salle d'un de nos assistants sociaux. Nous avons deux assistants sociaux. Et les patients sont en train de sortir. Et c'est le moment où toutes les portes s'ouvrent. Et le médecin vient de faufiler. Évidemment, ce n'est pas pour rien qu'on vient travailler là et qu'on y reste. Il y a une histoire. Il y a une histoire familiale derrière, la plupart du temps. Agnès Afnaïm, médecin. Donc, ma famille est concernée par la Shoah. Et c'est quelque chose qui est profondément inscrit. Et probablement que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais choisi d'être médecin à l'origine. Et puis, dès lors que j'ai commencé à travailler ici, je me suis vraiment sentie à ma place. Et là, maintenant, ça fait 10 ans que j'y suis. Et j'ai l'impression que je continue d'apprendre et de découvrir des choses. Quand je suis arrivée ici il y a 10 ans, je me trouvais un médecin complètement démuni. J'étais démuni de la capacité de mener à bien un examen clinique parce que les faire déshabiller, allonger, palper, scruter les orifices, non, pas avec ces personnes-là, pas d'emblée comme ça. Et voilà, j'ai été aussi démuni du désir de guérir. Parce qu'on ne guérit pas de la torture. Et puis, je suis allée me former à une pratique qui est hors des sentiers battus de la médecine, qui s'appelle la somatopsychopédagogie, et qui est une pratique manuelle qui comble la distance entre la personne et son corps, qui lui donne à faire une expérience d'elle-même, à nouveau. Parce que la souffrance qu'ont subi ces personnes les a coupées de leur corps, la fibre sensible a été coupée. Et de leur permettre de se rapprocher d'eux-mêmes, c'est des retrouvailles. Voilà, ils peuvent à nouveau se sentir incarnés dans leur corps. C'est déjà le point de départ d'un travail thérapeutique. Et c'est des gens qui ont été extrêmement malmenés. Et des fois, pour certains, l'intention même de les toucher leur fait mal. C'est-à-dire quand la main, elle est ici, là, à 30 cm du bras, ils commencent à souffrir. Donc c'est loin d'être évident. Et puis il faut pouvoir les faire allonger, éventuellement leur demander de fermer les yeux. Toute circonstance qui les met dans une position passive, celle où ils ont subi les tortures. Donc c'est extrêmement délicat. Mais dès lors que la confiance est installée, et c'est la première chose que je mets au travail dans la rencontre avec les patients, même s'il y a un besoin rapide de les soulager, la première chose que je mets en œuvre, c'est de construire un lien de confiance. C'est la relation avec eux. Dès lors qu'ils peuvent accéder donc à cette position allongée et qu'ils peuvent être touchés, je me rends compte à quel point leur corps a soif d'être touché avec bienveillance. Et ça comble la distance donc, entre eux et leur corps, et ça instaure un lien en deçà du langage et du discours. Parce que je traite des gens qui parlent pachtoun, l'albanais, le tchétchène, moi je ne parle pas toutes ces langues-là. On communique de matière à matière, de corps, d'être à être. Donc c'est quelque chose de très profond. Et ça restaure la possibilité même de pouvoir faire confiance qui avait été mise à mal par les bourreaux. En plus, ça a des vertus de régulation de tous les grands systèmes de l'organisme qui sont complètement perturbés par le stress chronique dans lequel ils vivent. les systèmes neurovégétatifs, neurovasculaires, neuroendocriniens, immunitaires, qui font qu'ils sont tout le temps malades, très fragiles, que le moindre traumatisme, la moindre petite infection, ça peut prendre des proportions énormes. Voilà, ça régule tout ça. Par le silence. On commence par écouter le silence de l'intériorité. C'est une qualité de silence très particulière qui est déjà une façon d'être en lien avec soi-même. Et puis ensuite, je pose mes mains et j'écoute la demande silencieuse du corps. Voilà. Je mets une pression de relation et j'attends la réponse du corps. En fait, contrairement aux ostéopathes qui appliquent une pression externe, moi j'utilise la force interne. Je la sollicite, j'attends la réponse du corps. Et c'est celle-ci qui va pouvoir amener un voyage tissulaire au bout de son terme pour qu'à nouveau, il y ait une sollicitation des tissus du corps pour à nouveau un autre voyage. Et de voyage en voyage, les choses se modifient parce qu'il y a une potentialité, une évolutivité. Et donc, je pose mes mains. Donc, c'est un toucher qui est très doux, mais en même temps, il est très concernant parce qu'il touche l'intime du corps. Même si les gens sont vêtus, pour certains, c'est très intrusif. Et ça, il faut être très à l'écoute de ça. Il faut surtout pas les mettre dans cette situation-là. Parce que, du fait des vécus des tortures, leur peau, elle a perdu leur capacité de porosité. Et à l'inverse de cette porosité, maintenant, il y a une intrusion. Ils sont dans des intrusions permanentes, des reviviscences et de ce qui vient de l'extérieur, n'importe quel stimulus. Donc, il faut faire très attention. Il faut adapter, trouver un toucher spécifique pour ces personnes. Et je les vois retrouver l'usage d'eux-mêmes, leur capacité à penser, à entrer en relation, à pouvoir apprendre, à pouvoir se souvenir et oublier, à pouvoir investir ici et maintenant, faire un projet. Je trouve que cette méthode-là, elle est vraiment très pertinente pour ces patients. Ce qui ne m'empêche pas de faire un travail de médecine générale habituel aussi, hein, de prescrire des médicaments, évidemment beaucoup de psychotropes, parce qu'il s'agit vraiment de soulager ces souffrances abyssales qui les empêchent d'être présents à eux-mêmes, à leur vie. Leur vie, elle est réquisitionnée en permanence par le vécu passé, les reviviscences qui sont sous toute forme. Des fois, il y a des scènes qui sont très claires et repérables, mais des fois, c'est des perceptions qui sont absolument pas assimilables à un vécu passé de torture, mais il s'agit quand même de ça. Donc il faut essayer de pister, de retrouver les linéaments de la mémoire traumatique pour essayer de greffer du sens sur ce qui se passe. Des fois, c'est des évitements qui peuvent aussi beaucoup grever la vie de ces personnes. Par exemple, il y a une jeune femme, elle ne pouvait plus boire. Dès lors qu'elle buvait un verre d'eau, elle vomissait. Et elle le rattachait à rien. Bon. Les gens qui ont vécu des tortures comme ça, ils ont perdu la capacité de faire des liens, même dans leur tête. Donc, elle ne pouvait rien en dire. Et puis, en reprenant une anamnèse délicate, etc., on s'est rendu compte que, en fait, la première fois qu'elle avait eu ces vomissements-là, c'était dans les temps qui avaient suivi les viols par les soldats en RDC. Et au cours de ces viols, il y avait eu une fellation. Et après, elle a pris un verre d'eau. Et maintenant, dès lors que le verre est en contact avec ses lèvres, elle est prise de nausées incoercibles, de vomissements. Et du coup, elle ne prend plus de verre d'eau. C'est un évitement. S'ennuie quand même de plus pouvoir boire d'eau. Donc, on a réussi un petit peu. Elle a commencé à boire de l'eau avec une paille. Voilà, il n'y avait plus le contact du verre. Ouais. Et c'est dire à quel point la vie de ces gens peuvent être envahie par ces séquelles qui ne sont pas conscientes. j'étais interprète pendant une quinzaine d'années auprès des patients turcophones, donc turcs et kurdes. J'ai constaté beaucoup, après le coup d'État en Turquie de 1980, beaucoup de personnes très politisées, très engagées politiquement qui étaient là, donc des militants très réfractaires d'ailleurs, à reconnaître que leur psyché a été ébranlée par ce qu'ils avaient vécu. La torture était dans l'ordre des choses. Leur boulot, c'est de nous faire parler. La cruauté, c'est de leur côté. La résistance, c'est de notre côté. Donc j'ai beaucoup été interprète dans des psychothérapies ou une espèce de carapace par rapport à ce qui pouvait être entendable, de qui ils étaient, pourquoi ils étaient dans la militance, quelle était la possibilité d'une vie après, aujourd'hui en exil, etc. Et pourtant, j'ai vu des personnes qui ont pu accéder à un travail psychique insoupçonné, hein, et qui arrivait parfois avec du matériel à exploiter psychiquement, c'est-à-dire des rêves, des cauchemars, qui arrivaient à en parler, qui se posaient plein de questions. Et ça, c'était vraiment assez éblouissant pour moi, d'assister à cette ouverture vers des choses auxquelles ils étaient réfractaires au départ. Elle ne pouvait plus boire. Il a tout perdu, sa femme. Elle s'est mise à pleurer, à trembler. Elle est son enfant. Et c'était le feu des Kalachnikov. Ce n'était même pas compréhensible. Cette prison où il a essayé de s'est suicidé. Oui, on continue à torturer dans un pays sur deux. C'était dans les temps qui avaient suivi les viols par les soldats. Nous, on se détache au niveau de la question et ces fantasmes de « il faut tout dire, il faut parler, il faut tout reconstituer ». C'est faux, c'est impossible déjà. Mais aussi, c'est pour nous. C'est-à-dire que la parole que ces personnes viennent déposer ici, ce n'est pas une parole de témoignage. Ils viennent dire ce qu'ils veulent. Et c'est dans ce sens-là qu'on se rend compte que quand on donne cette possibilité, parfois, on n'a même pas accès à ce qui s'est passé au pays. C'est-à-dire qu'on voit que quand il y a une amélioration, quand ils vont beaucoup mieux, ils arrivent à quand même vraiment aborder ce qui s'est passé vraiment dans les passés. Exceptionnellement, l'équipe du Centre Primo Levi nous autorise une rencontre avec un patient. Ce jeune homme venu du Pakistan compose des poésies. Pour lui, l'écriture fait aussi partie du soin. एक शख्स को देखा था सितारों की तरह हमने एक शख्स को चाहा था अपनों की तरह हमने एक शख्स को सोचा था पुलों की तरह हमने वो शख्स कयामत था क्या करी उसकी बातें दिन उसके लिए पैदा और उसकी ही रातें It's about, about myself. C'est un poème sur moi qui dit a person was shining like a star. Une personne brillait comme une étoile. A person which I love like my own self. Une personne que j'aime comme moi-même. A person which I wish that une personne qui ressemble à une fleur. Like flower. He was so soft. Il était si doux. What I tell you about him? Pourquoi est-ce que je vous en parle? He didn't meet with the people too much, but he always. Il ne rencontrait pas beaucoup les gens, mais il parlait toujours avec moi. But one day, he left us like this. Mais un jour, il nous a quittés, comme s'il n'avait jamais existé dans ce monde. He disappeared like the star. Il a disparu comme les étoiles. I find him too much. Je l'ai beaucoup cherché. But he never come. Mais il n'est jamais revenu. I didn't find him. Un point fort de notre centre, c'est la question de la langue maternelle. On peut recevoir et on reçoit nos patients dans la langue maternelle. Nous recevons dans plus de 23, 24 langues différentes, toujours avec des interprètes professionnels. Ça change tout. On reçoit beaucoup de patients qui ont été vus par une dizaine de professionnels avant nous, mais du fait de la variété de la langue, les diagnostics, les suivis et tout n'ont pas été efficaces parce que c'était une perte de temps, une perte d'incompréhension, tout. Et du simple fait d'avoir un accès à la langue maternelle, on se rend compte que ça fait partie de l'accueil. Anke tike jadu, palke tike talware. honte ke kya rasile wo shakhs dushman bhi agar dekhe so jaan se hi dil hare. On a l'habitude de dire que ce qui est entendu entre ces quatre murs relève de l'horreur ou de la terreur. Dès le départ, le choix a été fait de se dire on va pas demander à des gens à travailler à plein temps, c'est une clinique qui est trop difficile. Et par conséquent, voilà, on a fait le choix aussi pour les médecins et les psychologues de faire intervenir des personnes à mi-temps. Et la supervision, ça consiste en quoi ? C'est un psychologue extérieur qui vient discuter avec l'équipe du centre de soins et qui vient parler des difficultés que les uns et les autres peuvent rencontrer dans leur pratique. Voilà, c'est une façon aussi de prendre du recul par rapport à la pratique, de pouvoir parler d'un cas qui les perturbe ou qui pour lesquels ils se posent des questions et de pouvoir mettre ça en commun et d'avoir l'aide d'une psychologue extérieure qui va apporter un certain nombre d'éléments pour analyser et expliquer une situation. Alors là, c'est le seuil que les patients ne dépassent pas. Donc les professionnels se retrouvent dans ce grand espace qui est aussi notre lieu de réunion. Tous les mardis après-midi, on a un moment de réunion où on parle des suivis en cours, des nouveaux suivis qui vont démarrer. Puis après, on va parler sans doute de la liste d'attente de ceux qui sont en attente depuis des mois et des mois pour démarrer leur suivi. Et il y aurait des situations particulières qui posent problème aujourd'hui qu'on va avoir à aborder, que les cliniciens auront noté ici. On va faire les orientations médicales en premier lieu. On va commencer par les demandes internes. Je voudrais juste vous dire que j'ai lu donc le compte-rendu des synthèses et je voudrais que tous ceux qui n'étaient pas là à un moment donné précis prennent ce temps-là pour être au courant des discussions et des décisions qui ont été prises. Orientation médicale, donc c'est Nathalie qui voulait en parler. Au départ, c'était pour une orientation psy. Cette femme a deux enfants. Donc là, il s'agirait du fils qui est arrivé au mois de mars de cette année. C'est un jeune homme en fait, qui a déserté l'armée. Suite à ça, madame a été mise en garde à vue, menacée, donc elle a fui. Son fils donc, l'a rejoint là, cette année au mois de mars. C'est un jeune homme qui souffre d'insomnie assez importante. On accuse réception de la demande et on prévoit un entretien d'accueil et on voit comment lui se situe. Ça permettrait de le faire un peu patienter, effectivement, d'examiner avec lui exactement de quoi il pourrait être demandeur. Quoi. Souvent, on dit où est le point des... Pas des contrôles, parce qu'on ne se contrôle pas entre nous, mais un point de mettre des limites. On a fait l'année dernière justement un colloque autour de la pudeur. Parce que c'est une clinique qui est une clinique de la honte, c'est-à-dire la plupart de ces patients ont honte, donc on disait ça, ils ne parlent plus, les silences. Et cette honte aussi nous touche, nous. Il y a des coups parfois, on a envie de faire trop, et on se rend compte qu'avec certains patients, pas tous, donc dans les transferts, il y a cette question de la pudeur. La pudeur marque une limite quand même. Et ce type de réunion nous permet à chacun dans son métier, quand on en parle d'un cas et quand on les présente, qu'on puisse aussi, de la part de nos collègues, nous dire, faire attention à nos limites, nos capacités. Et ça permet de continuer le travail. Mais aussi prendre de la distance. Et surtout pouvoir dire aujourd'hui, je peux plus suivre une telle personne, qui peut prendre les relais, et tout ça, c'est un travail collectif. Autrement, on ne pourrait pas avancer. Des soldats russes ont frappé à notre porte. Ils sont entrés sous prétexte de contrôler nos papiers d'identité, mais en réalité, ils étaient chez nous pour voler ce qui pouvait l'être. Je me rappelle, j'avais 14 ans, que pendant qu'ils regardaient nos passeports, ils jaugeaient leur futur butin. Mon père leur avait donné tous les dollars qu'il avait. Les militaires ont dévasté la maison et ont pris tous les bijoux qui étaient dans la famille depuis plusieurs générations. Les soldats ont sauvagement battu mon père pour le faire parler. Ma mère m'a poussée en avant vers la porte d'entrée. J'ai couru dans le couloir, mais un soldat m'a rattrapée. J'ai été violée, devant mes parents. Puis ils se sont amusés à me brûler avec leurs cigarettes pour faire parler mes parents et avoir encore plus de bijoux. Pour rien, car on leur avait déjà tout donné. Je porte les cicatrices sur mes jambes et des traces de brûlures sur la poitrine. Jusqu'à aujourd'hui, quand je vois une cigarette se consumer, je porte instinctivement les mains sur ma poitrine pour la protéger. C'est une douleur atroce. Je me sens coupable. coupable de vivre loin de la guerre pendant que les miens souffrent à chaque instant. J'ai des maux de tête continuels et je n'arrive pas à dormir sans somnifère. Je n'arrive pas à fixer mon attention sur quelque chose de précis. Je rêve. Je rêve tout le temps que la vie a continué normalement et que maman et papa vont revenir. Qu'ils sont juste sortis pour travailler. Donc ici, c'est la salle d'accueil. Les patients peuvent se servir à boire. Il y a une fontaine, il y a de l'eau chaude, il y a un coin enfant. C'est très important pour nous que les enfants aussi se sentent accueillis, puisqu'on reçoit les enfants dans le centre de soins, mais les patients viennent avec leurs enfants. Donc pendant que les patients, eux, entrent en thérapie, en consultation, ils peuvent laisser leurs enfants ici. On s'est rendu compte que les enfants, c'est les grands oubliés. Primo Levi les appelait les oiseaux du passage. C'est-à-dire que même dans les camps, ils n'étaient même pas enregistrés. C'est ça qu'on constate. À la guerre, il n'y a que les adultes. Les enfants sont toujours là, ils regardent, mais on ne les prend pas en compte, en fait. Donc au centre, effectivement, en 2003, mes collègues ont créé cet espace que j'essaye de perpétuer parce que je trouve que c'est très important dans le sens que la société, ces plans que l'enfant ne s'adapte pas à l'école, les parents qui ne s'écoutent pas à la maison. Mais quand on dit « bon, et toi ?» quand on est tout seul avec l'enfant, alors là, c'est une autre histoire. Là, c'est, on voit la souffrance d'un enfant. D'un père qui n'écoute pas, d'un père qui part, une école qui est très violente, une langue qu'il n'arrive pas à apprendre, des choses extrêmement particulières, précises pour lui, qui n'ont rien à voir avec l'espace des adultes. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est très important de pouvoir proposer des espaces particuliers aux enfants. Les enfants, ils n'arrivent plus à maîtriser leur corps, justement. Donc ils font pipi au lit, alors qu'ils étaient propres. Parfois, ils n'arrivent même pas à retenir les sphincters, donc ils se font même... C'est extrêmement pénible hein, pour les parents, mais même pour eux-mêmes. Hein, parce qu'au niveau social, c'est comme si eux-mêmes et les corps produisaient quelque chose pour rejeter l'approche avec les autres. Ils sont des enfants extrêmement en souffrance parce que, imaginez-vous, ils peuvent pas sortir, aller chez le copain, faire des sorties scolaires à cause de ces symptômes graves. Et c'est le fait de pouvoir en parler et aussi voir les parents comment prennent ça en charge qu'on va pouvoir les aider à se rendre compte comment ils avaient été perdus et à nouveau, en quelque sorte, rejetés vers les passés encore. Parce qu'ils reviennent bébés. Mais s'ils reviennent bébés, du fait que les parents aussi, et la mère ou le père ou les deux, ne sont pas en place ou en capacité de s'occuper d'eux en tant qu'enfants déjà grands. Au retour des camps, Jacques Lacan avait repris la phrase de Marlowe qui disait « il n'y a plus de grandes personnes ». Et la guerre, ce qui produit parfois, et la violence politique, ce qui produit, c'est que les personnes adultes ne peuvent plus être adultes. Ils sont des besoins aussi, comme des enfants. Donc, du coup, on retrouve des familles, souvent ici, où on ne trouve personne qui puisse vraiment incarner ses places d'adultes. Et ça fait que la famille est complètement effondrée, en quelque sorte. Je pense aux familles tchétchènes qui arrivent. Et on s'est réunis tous, parce que parfois on donne rendez-vous à une seule personne, et du coup, ils arrivent tous, et on rentre dans la petite salle avec l'interprète, et c'est qu'on constate que c'est la première fois qu'ils s'assoient depuis 5, 6, 7 ans à parler de ce qui s'est passé. Et ça, pour les enfants, c'est un moment extrêmement fort, parce que pour la première fois, ils entendent les parents dire pourquoi ils ont dû partir, et ces premiers entretiens sont extrêmement... fort est extrêmement important au niveau psychologique. Comment débloquer avec des parents qui sont intéressés aussi pour les enfants et pour la suite. Je pense que penser à l'avenir, c'est une façon de se dégager du passé aussi, dans ce sens-là. Olivier Jégou, assistant social au centre Primo Levi. Ma priorité, c'est quand même la précarité, parce que il y a quand même dans les patients qu'on reçoit un grand nombre de personnes qui sont sans papier, débouté du droit d'asile, sans référent social, sans hébergement, sans lieu où se nourrir. C'est quand même une grosse partie de mon travail, le logement et la nourriture. On dit aujourd'hui qu'il y a un tiers des demandeurs d'asile qui sont hébergés en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Il y a énormément de demandeurs d'asile qui sont sans hébergement, sans lieu adapté. Ce qui fait qu'on a beaucoup de gens qui sont hébergés en hôtel, notamment des familles en demande d'asile. Qui dit hôtel, dit SAMU social. Et c'est une instabilité au niveau de l'hébergement. On est hébergé dans des hôtels commerciaux qui sont pas des lieux de vie, où on peut pas cuisiner, où les enfants n'ont pas de place pour jouer, pour vivre. Quand on a des problèmes de santé, de mobilité, et c'est une vie impossible. Si on rajoute à cela les conditions d'insalubrité dans lesquelles sont de nombreux hôtels, c'est des conditions qui sont pas dignes. Mais ça, c'est encore des demandeurs d'asile relativement privilégiés, parce que l'autre partie, c'est surtout les personnes isolées qui sont à la rue. C'est bien pour ça que dans le projet du centre Primo Levi, le social fait soin. Ce qui me plaît ici dans le travail que j'essaye de proposer, c'est de permettre aux personnes de pouvoir se présenter avec tout ce qu'ils sont. En tant que personne qui a envie de faire du sport, qui a envie de faire de la musique, des projets qui sortent un petit peu du chemin qui est tracé pour les demandeurs d'asile, par exemple. Un demandeur d'asile, il doit attendre, il doit aller à la préfecture et il doit attendre que l'OFPRA lui réponde, que les instances chargées de son dossier lui répondent. Notre projet, c'est pas celui-là, c'est que cette personne se redéploie dans toutes ses dimensions, qu'elle redevienne un sujet de leur vie. Et donc, au niveau social, ben voilà, c'est une personne qui a des désirs, qui a des atouts. Et voilà, donc c'est de développer ça avec elle. C'est se rappeler qui ils étaient avant, quelle vie ils avaient, ben leur métier, s'ils avaient des compétences. Ça fait partie aussi de ce parcours de soins, de retrouver qui ils étaient avant la torture. La majorité des gens qui sont ici sont déboutés, alors même qu'ils ont vécu les violences extrêmes, les violences politiques, les tortures. C'est une évidence. Donc moi, je rédige des certificats quand les gens passent devant la Cour nationale du droit d'asile. J'insiste beaucoup sur les incohérences, les anachronismes, les oublis, les réactions émotionnelles débordantes ou au contraire la froideur avec laquelle ils peuvent débiter leur histoire comme s'ils n'étaient pas concernés. Tout ça, c'est des manifestations du vécu de violences extrêmes. C'est des signes, pour moi, qui démontrent le vécu de la torture. A contrario, un récit bien cadré, comme il faut, il est plus suspicieux. Donc il faut que les juges, c'est aux juges, de changer leur façon d'écouter et d'accepter de faire ce travail-là s'ils veulent aller plus avant du côté de la vérité. Mais voilà, dès lors qu'ils passent devant la CNDA et qu'ils ne sont pas reconnus, qu'ils n'ont pas le statut de réfugié, leur état se dégrade à nouveau et il est extrêmement difficile, parce que là, le soupçon de confiance qui commençait à se renouer, à nouveau, il a été extrêmement mis à mal, détruit. Au centre Primo Levi, la majorité de nos patients sont déboutés du droit d'asile. Il y a beaucoup de choses qui expliquent ce système qui finalement peut parfois ressembler à une espèce de loterie aussi, en tout cas pour nos patients. Il y a un manque de formation des officiers de protection sur la question du traumatisme en lien avec les tortures, avec la violence politique. Il y a des problèmes aussi qui sont liés à la durée de l'entretien, qui dure rarement plus de 2 heures. Et quand vous avez été victime de torture et réduit à un état d'objet, c'est très difficile pour vous d'aller vous confier à un officier de protection et d'avoir 2 heures pour établir un lien de confiance. confiance et parler de ce que vous avez vécu. Vous avez toute la question aussi du mythe du réfugié qui serait un menteur, hein, qui est aussi parfois très ancré chez les juges au sein de la CNDA. Donc l'idée, c'est pas de savoir si les personnes ont été victimes de persécution ou pas, mais plutôt de se demander si elles mentent ou pas. Les conséquences, elles sont dramatiques. Déjà, pour une personne qui a été victime de torture, c'est une non-reconnaissance de son récit. Donc c'est une façon, en fait, de donner raison à son bourreau ou à son tortionnaire qui a voulu les faire taire et qui a voulu les sortir de la communauté des humains et les cantonner à un état d'objet, en fait. Et c'est des gens, pourtant, dont on sait qu'elles vont rester sur le territoire. Elles vont pas partir, elles peuvent pas repartir dans leur pays d'origine. Voilà. Si elles repartent dans leur pays d'origine, elles risquent d'être tuées, d'être massacrées, d'être poursuivies. Donc elles vont pas repartir. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles vont se fondre dans la clandestinité. Et puis elles vont essayer d'obtenir des titres de séjour et des titres de régularisation. La France terre d'asile, c'est ce qui les a amenées jusqu'ici. J'avais un sentiment de honte d'être une citoyenne française. Voilà. À la fois, on est de leur côté, mais en même temps, on est aussi de l'autre côté, quand on est français, ici intégré. Et c'est très difficile à vivre. Et ça, c'est terrible pour ces personnes. En 2012, le centre Primo Levi estimait qu'au moins 125 000 personnes victimes de tortures ou de violences extrêmes avaient en France besoin de soins pour apaiser leurs souffrances. Or, aujourd'hui, moins de 6 000 d'entre elles sont prises en charge dans des centres spécialisés, des associations qui luttent chaque jour pour conserver leur financement. Il s'agit pourtant d'une question de santé publique majeure, mais la volonté politique manque pour généraliser cet accès aux soins. Le centre Primo Levi reçoit chaque année près de 350 patients et les délais d'attente s'allongent. Malgré ce contexte difficile, l'équipe du centre poursuit sa mission. Cheminer avec les patients pour qu'ils reprennent peu à peu leur destin en main. Il y a un tissage d'une trame ici qui les contient. Depuis l'accueillante, la directrice, tout le monde participe à ça. On les connaît individuellement. Même si c'est pas mon patient, je connais les personnes. J'en ai entendu parler, je sais qui ils sont. Je connais une bonne partie de leur histoire. Et ils savent qu'on les accompagne, quel que soit ce qu'ils aient à traverser, on les accompagne. Ce ne sont pas que des récits de torture et de violence, c'est aussi des récits de vie. On a des parcours qui sont assez aussi extraordinaires. On a affaire à des survivants, hein. On a affaire à des gens qui ont survécu à l'horreur et qui ont une force incroyable. Et donc d'être les témoins d'une renaissance ou en tout cas d'un retour à la vie, c'est aussi une source d'énergie pour nous de voir dans quel élan ils sont, dans l'élan de la vie. Une personne qui arrive dans votre bureau totalement prostrée et qui petit à petit arrive à rire, plaisanter, être espiègle, ben ça c'est des cadeaux. Il y avait une jeune femme qui avait des troubles de mémoire absolument colossaux. Elle arrive ici, 5 minutes après, elle ne sait pas où elle est. Et elle a repris des études de sciences politiques en français. Bon, c'est extraordinaire, malgré des séquelles physiques très importantes. Et c'était impensable au début. Et elle continue de donner des nouvelles de temps en temps. On est très fiers de ses résultats aux examens, tout simplement, des choses comme ça. C'est quelque chose qui nous touche. Terreur d'État, le centre Primo Levi, Vivre après la torture, un documentaire de Nicolas Jox et Christine Digère, prise de son, Georges Thau et Alexandre Abergel, mixage, Olivier Dupré, texte, extrait de Exil, récit de demandeur d'asile, de Nadira Lazreg, lu par Mao Dartui. Merci à toute l'équipe du centre Primo Levi. Prisonniers, militants, opposants, soignants et rescapés, LSD, c'est tout pour cette semaine. Pour des bibliographies, des liens ou nous réécouter quand ça ira mieux, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous podcaster partout, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous irons à la poursuite des livres disparus.